est tout. La gloire, la puissance, l'honneur, les acclamations. Voilà pourquoi ce matin nous t'acclamons, oh Dieu. Oui, tu mérites nos acclamations ce matin. Tu mérites nos cris de joie ce matin. Car tu es souverainement élevé. En nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié, disons amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alors, j'aimerais juste en quelques secondes que nous puissions nous communiquer la joie. Comme Jésus-Christ dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu veux assez que tu puisses être béni, commence par donner la bénédiction à ton prochain pourvu que la bénédiction arrive chez toi. Alors, nous voulons nous communiquer la joie ce matin. Est-ce que nous pouvons nous bénir entre nous tout d'abord? Bénis ton voisin car c'est la même bénédiction qui reviendra encore chez toi. Ce n'est pas grave. Rassure-toi qu'on a la moitié presque 20 côtés. Que vous êtes debout, nous voulons maintenant saluer aussi la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie, les cris de joie? Merci. Alors nous voulons passer à la louange. Regardez très bien votre voisin. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Regardez bien votre voisin. Vous rassurez qu'il respire ce matin. Hein? Car David dit que tous ceux qui respirent louent au moins le Seigneur. Alors nous voulons louer le Seigneur ensemble avec trompette céleste. Pendant que vient la Caraïbe, nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Alléluia. Au quinti que cuñona ni con atesua, au quinti que cuñona

yo ta ta ta mo ta ta ta mo yo ta ta are ta ta mo yo ta ta are ta ta ta mo yo ta ta ta mo voisin, il respire ou bien Mangarembe est bien voisin. Est-ce qu'il est en vie ou bien à Chinapo? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire des yeux? Alors nous voulons encore louer le Seigneur pendant que trompette céleste vous reposez un moment tout à Rudia Tena Touloué Tenamon. Alors nous voulons louer ensemble avec la chorale pendant quelques minutes encore. Rassurez-vous que votre voisin, il respire ce matin. Toko betana nu mwa mololo Toko betana nu mwa mololo Abelé Zawa, son sepé conté, Baba, Jesus, sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Qu'il y a beaucoup de gens qui respirent ce matin et ils ont loué l'Éternel. Est-ce que vous pouvez acclamer tout d'abord pour vous-même? Alors nous voulons jubiler juste pendant 5 minutes avec trompette céleste, 5 minutes seulement. Nous voulons bouger encore le ciel avec la louange. Pendant qu'ils avancent, nous acclamons pour la gloire des yeux. Donc, dans 5 minutes seulement, nous voulons louer le Seigneur avec notre chorale. Est-ce que tu as un peu comme quand on a quelqu'un? Yo, La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. mololo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ceux-là qui ont loué le Seigneur ce matin. Alors nous voulons adorer Dieu pendant ces moments. Comme je suis dans Jean chapitre 4, je vois la conversation de Jésus-Christ et la femme samaritaine. Au verset 23, Jésus-Christ dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car sont ceux-là que le Père cherche ce matin. Les vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité sont ceux-là que Dieu cherche ce matin. Alors ce matin, je suis en train de voir un adorateur déjà en train d'adorer Dieu. Parce que Dieu cherche à ce que ce matin, qu'il puisse l'adorer. Avant que le monde ne soit, lui, il était là. Voilà pour confirmer, il dit à Jérémie, avant que tu n'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le monde va nous donner des limites, mais Jésus-Christ, il est le commencement et le dernier. Ce matin, tout ce qu'il attend, c'est votre adoration. Seigneur, toi qui mérites tout ce matin, revêtu de gloire et de splendeur, de magnificence, élevé au-dessus de toutes les choses. Le commencement et le dernier. Personne n'est semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun qui est semblable à toi. Je suis Applaudis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Léon est dimanche le 20. Nous sommes dimanche 20. Ijuma ya Léo. Cette semaine. Ama ishiku ya Léo. Ou en ce jour. Aïta rutiya kakoten. Ça ne va pas encore se répéter. Inapita. C'est passé, c'est unique. Qu'est-ce que tu as quoi le 21? Le lendemain, ce sera le 21. Profitez Nema Yamungu Léo. Profite de ce temps pour la grâce de Dieu en ta vie. Aoutaïwa Keshoni Nitakufiki. Tu ne sauras pas ce que tu arriveras encore demain. Nishisem Otakufa. Je ne dis pas que tu vas mourir non plus. Nishisem Evil. Je ne dis pas cela. Tout comme au temple Yamungu. Nous sommes dans le temple de Dieu. Profitez tant Yahweh comme adorer mon. Profite de ce temps pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Tuko bantu tulitoka mu majama ya kuachana. Nous avons quitté différentes familles. Ba para ba tunisie mu mabintu bya kuachana. Nos parents nous ont initiés dans des choses diverses. Lakini neema ya Mungu ilikutafuta. Mais la grâce de Dieu t'a localisé. Buluma bwa Mungu bulikuya juu yako. Et la compassion de Dieu était sur toi. Unamwamini Christ. Tu as cru en Christ. Unakuya kiumbe kipya. Tu es devenu une nouvelle créature. Sanctifié par le sang de Jésus. Et tu es sanctifié par le sang de Jésus. La Bible nasema. Et la Bible ajoute encore, toutes les anciennes choses sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans la vie. Oui, en tant que chrétien. Et toi, en tant que chrétien, on nous a encouragé comment adorer le Seigneur. Comment vas-tu l'adorer? C'est difficile, bien-aimé. Oui, en tant que chrétien. Toi, en tant que chrétien. Qui est dans l'église de Dieu. Là où Dieu siège. Là où il y a le Seigneur. Les gens adorent. Les gens invoquent Dieu. Toi, tu as ton téléphone. Tu es en train de voir le modèle des habits. Tu reçois encore diverses informations. Oh, alléluia. Tu t'éloignes très loin avec ton Dieu. Ce matin, tu dois profiter. Amen. Amen. C'est une humanité et tu dois profiter. Je dirai quelque chose maintenant. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de tout le nom dans ce monde, comme le nom de Jésus. Même le nom du président de l'Amérique n'est pas au-dessus. Mais c'est le nom de Jésus. Même un enfant de 6 ans. Un enfant qui veut trébucher comme ça, qui dit au nom de Jésus. Amen. Amen. Le seul nom. Si tu ne l'as pas adoré chez toi à la maison, pourquoi ne vas pas tu l'adorer ici dans l'église? Qu'as-tu que Dieu ne t'a pas donné? Il t'a donné la vie. Il t'a donné une beauté. Il t'a donné même de l'intelligence. Il t'a donné même des enfants. Pourquoi tu refuses de l'adorer? Pourquoi tu peux devenir ingrat? Amen. Amen. Mettons-nous un peu debout. Mettons tous debout, nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer maintenant. Personne dans sa maison n'a jamais fait une danse. Il ne fait même pas là, il loue, il danse. Mais devant la face de Dieu dans l'église, nous devenons très sérieux. Non. Soyons dans la joie dans la maison de l'Éternel. Ma pendo aya, ma pua, la kia. Mungu kuna kuongezea miaka kudunia. Mungu kuna kutunza kila wakati. Mavita yangize na kuya Mungu na kukombania. Mungu na pia kapaka kuongezea miaka kudunia. Bakimo kiyako barisha kufa. Hakuna mtu kosawa wei. Kukuna pata makafumu ya bantu mamakuta. Bana kwenda kwa Afrika Kusini lakini bana rudia mshanduku. Lakini wewe na mie. Et toi et moi. Nakuna mamedi kama iko perime. Nous avons pas les mêmes médicaments périmés. Sindikiza. Oh, nous avons mukono ya Mungu ni kungambo yetu. Tunafika mukutunziwa. Oh, nous avons été guéris. Asubuhi ya leo. En ce matin. Napenda mubariki Mungu. Oh, tu sois béni. Kwa ile mema alikufanishia mu maisha yako. Pour la grâce que Dieu a fait. Bariki Mungu. Béni encore l'Éternel. Bariki Mungu. Béni encore l'Éternel. Lupa ukuingie mu nyumba. Bariki Mungu. Béni encore l'Éternel. Il est capable. Oh, il t'a élevé. Au nom de Jésus. Bwana tunakubariki sana wakati kama ya asubuhi. Tunasema asante Seigneur sababu ya uchungaji wako. Tunasema asante Bwana sababu unaona kwa capable kutukombania kumavita mbalimbali. Tunasema asante Mungu sababu unakuwa capable kuweza kuchunga nafsi yetu. Unachunga wetu watoto Bwana, unachunga manyumba yetu, unachunga mili yetu Mwokozi, unachunga wetu babibi mfalme wetu. Wakati wote tunakwenda mu voyage. Wewe Mungu ni kupande wetu Bwana sababu ulisema katika maandiko sitakuacha nitakuwa pamoja na wewe siku yote ya maisha yako. Asante sana Bwana sababu wetu watoto Seigneur mwaki niweza kumalizika walianza majifunzo na tazama o Dieu wanafika mkuu ya maliza mfalme wetu na mpaka wakati kama hii wanakuja mu vacances choko maana Bwana niko na kubariki jemadari sababu wewe unakuona kesha kupande wetu wewe unakuwa capable ya kuweza kutukombania Bwana kila wakati notre Dieu unapanda mio toka lakini wewe una kamata unakuwa chauffeur uko watu Bwana bana panda mio toka bana fanya accident kama bana kufa ya wewe lakini tazama notre Père bali yokuya bako Bwana kuwa capable kubachunga na kubakinga cho kwa maana Bwana mwakati kama ya asubuhi tunakubariki Mungu wa mapendo tunakubariki Elohim sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe kama ukuku yako Bwana hatungeliweza kuexistent cho kwa maana baba acha mioyo yetu asubuhi leo ipate kuweza kukutukuza na kunyanyua asante kabisa jina tu yako libarikiwe na litukuzwe katikati yetu mujina la Yesu mwokozi wetu amen. Amen. Tunaweza kuaclamer kwa utukufu ya Mungu. Amen le Seigneur. Oh yes, asante. Hallelujah. Amen. Amen. Tunakuja kumwadore Mungu banduku. Venons ici pour adorer notre Seigneur bien-aimé. Mungu yuko na bintu bikubwa na binene kunafanya mu maisha yetu. Yeah, beaucoup de choses qu'il a accompli dans nos vies. Kama nakufungula mechi na kuonesha namuna ile adversaire beko na kuattaquer. Si tu ouvres les yeux pour voir comment est-ce que tu es combattu par tes adversaires. Autechika. Ah, tu ne vas même pas accepter. Un jeune homme m'a dit, c'était durant la semaine passée, il voyageait vers Lubumbashi. Il est entré à bord d'un véhicule. Comme il était trop pressé, il a pris place à bord de Dubaï. Chemin faisant, par 75, au niveau de 75 km, voyez très bien comment se présente la route de Lubumbashi. Par 75, au niveau de 75, il y a un tournant. Je vais couper dans ce fumoir. Pour un peu monter au niveau de ce fumoir. Ils ont connu un tonneau. Lui seul. Même pas avec une gratitude. Il est descendu du véhicule. Là, il s'est agenouillé à côté. Il a dit ceci à Dieu. Tu es grand. Il a regardé l'état du véhicule. Les villageois étaient là en train de dépouiller des choses là. Tout le monde est décédé. Il n'a même pas continué à voyager à Lubumbashi. Il est rentré ici. Il a dit à son père ceci. Si toi tu ne vas pas croire en Jésus, moi je vais croire en Jésus en ce jour. Il m'a fait épargner d'un danger là que je ne croyais même pas. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, l'ange de l'éternel, Malaika wa Milele, campe autour de ceux qui craignent. Kambi, kando kando, même si tu es païen, Malaika wa Mungu yoko na wewe. Oh, l'ange éternel est à côté de toi. Connais qu'un jour, na wewe utamutaya Yesu. Toi aussi tu citeras le nom de Jésus. Amen. Amen. Leo tunakuwa na fura. Ce jour nous sommes dans la joie ya kupokea pasteur, de recevoir le pasteur. Katikati yetu. Un pasteur parmi nous. Mwenye walikuya mtoto wa kanisa hii. Il était un enfant de l'église. Alikuya interprète. Il était aussi interprète. Leo yuko mchungaji wa kanisa. Maintenant il est pasteur d'une église. Tunapenda yeye ndio atatumuka asubuhi ya leo. C'est lui qui va travailler ce matin. Teka mashikio yako. Après toi, très bien tes oreilles. Na ushikie nini ataweza kusema. Et que tu suives ce qu'il va dire. Papa pasteur Kyungu Elise. Le révérend pasteur Kyungu Elise. Unaweza kushimama taifa Mungu kupokee. Nous allons vous accueillir au nom de Jésus. Alléluia. Kama mtu wote mtumishi wote wa kujeshimia. Comme tout serviteur qui se respecte. Akutembea yeye mwenyewe. Il n'est pas venu seul. Il n'est pas célibataire. Il n'est pas célibataire. Eko baba wa batoto. Il a des enfants. Na mama eko pale mama Ani. Il a été accompagné de sa femme mama Ani. Mama Ani, nous vous chimons. Mama Ani, mettez-vous debout, nous allons vous saluer au nom de Jésus. Amen. Amen. Niye ataweza kutufundisha asubuhi ya leo. C'est lui qui va nous enseigner ce matin. Avant yeye kuweza kukaribia kushare. Avant qu'il puisse monter du haut de la chaire. Tunapatia chorale mwimbo moya ya nguvu. Un seul cantique à la chorale. 3 minutes ya mwimbo ya nguvu chauffe ça. Rien que 3 minutes. Un cantique de louange. Twende mbio mbio, twende mbio mbio. 3 minutes chauffe ça. Tunapenda shebote tubakie branché kuneno ya Mungu asubuhi ya leo. Tutashimamia koyulu. Tutashimama yulu. Tutashimama yulu. Mamba ni Yesu, Mamba. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Basi, tu finis que mes choyetu. Mungu mukubwa, wakati yaneno lako inatimia. Tunacha mubiri wa asubuhi ya leo katika mkono yako na kumbele ya makutano. Mungu weka masemo ya bujito ndani yake. Aseme sawa mtu kuna tangaza miujiza ya kwako mfalme. Aseme sawa profeti katikati yetu na kila mmoja apokee semu yake Mungu ajue je kutengeneza maisha sababu Yesu nakuja karibu kurudia. Maandiko yanasema tu parles tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Bashi Mungu wetu sema na mioyo yetu mwi wakati ya asubuhi Tunacha mutumishi mu mikono yako. Umufiche Mungu na umujali na neema yako. Mujina la Kristo Mokozi. Amen. Amen. Papa Élisée, karibu. Nous invitons le pasteur Élisée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons sincèrement merci à notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin de pouvoir nous tenir devant vous. Nous disons également merci à notre papa représenté par maman pour la marque de confiance qu'il ne cesse jamais de renouveler en nous. Et sans pour autant perdre le temps, nous allons prendre deux textes de base ce matin. Nous lirons Psaume chapitre 16, verset 2. Et nous allons également lire Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Nous commençons avec Psaume chapitre 16, verset 2. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne va pas s'écarter du thème de l'année. Mais ce matin, nous allons parler sur un sous-thème intitulé comme suit: être loin pour faire du bien aux gens. Église de Dieu, Église du temps de la moisson finale, j'aimerais que nous puissions nous fixer de base avant de commencer notre enseignement de ce matin. Depuis un certain temps, on avait célébré la Pentecôte au milieu de nous. J'aimerais dire ceci à l'Église de Dieu. Dans la marche avec Dieu, il y a au moins 5 niveaux à atteindre, passant par la manifestation du Saint-Esprit. La Bible dit ceci: les jours qu'on avait cru en notre Seigneur Jésus, Dieu nous avait donné le Saint-Esprit. C'est ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible stipule ce qui suit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés les jours de votre rédemption. Ça, c'est la première étape dans la marche avec Dieu. Quand nous nous convertissons au Seigneur, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Chemin faisant avec lui, la deuxième dimension, Romains chapitre 8, verset 14. La Bible dit ceci: tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Et la troisième étape, quand vous lisez l'évangile de Luc, le chapitre 4, le verset 1, la Bible dit ceci: Jésus rempli du Saint-Esprit a été conduit vers le désert. Donc la troisième dimension dans la marche avec Dieu, c'est que Dieu doit nous remplir du Saint-Esprit. Et toujours dans Luc chapitre 4, le verset 14, nous voulons voir la quatrième étape. La Bible déclare ceci: Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ce matin, nous voulons parler de la cinquième dimension, être loin pour faire du bien aux gens. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à nous conduire. Et quand Dieu nous conduit avec le Saint-Esprit, Dieu doit nous remplir du Saint-Esprit. Après avoir nous remplir du Saint-Esprit, maintenant Dieu doit nous revêtir de la puissance et du Saint-Esprit. Et après avoir nous revêtir de la puissance et du Saint-Esprit, maintenant Dieu doit nous oindre. La Bible stipule ce qui suit: vous savez comment est-ce que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de la force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais donner une très grande différence. Nous voulons parler du bien de Dieu. Parce que David dit ceci: l'Éternel est mon souverain bien. Je voudrais d'abord expliquer le premier bien qu'on trouve dans la Bible. Quand nous lisons Galates chapitre 6, les versets 9 jusqu'à 10, la Bible dit ceci: ne vous lassez pas à faire du bien, surtout en des frères dans la foi. Les biens dont Galates nous parle, ce n'est pas le même bien que nous voulons parler ce matin. Le bien qui est dans Galates 6, c'est le bien qui est dans Proverbes 3, 27. La Bible dit ceci: ne refuse pas un bienfait à ceux qui te l'accordent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux payer la veste pour les pasteurs. Tu peux payer le minerval pour un étudiant. Tu peux payer le véhicule à quelqu'un. C'est ça le bien qui est dans Galates chapitre 6. Mais le bien que nous voulons parler ce matin, c'est le bien souverain de Dieu. Je me souviens bien aimé dans le Seigneur, dans les années 1990-91, à Kinshasa, il y avait ce qu'on appelait la conférence nationale souveraine. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette conférence nationale souveraine, il y avait des décisions. Il y avait des lois qu'on devrait lire là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, et les lois qu'on devrait voter là-bas, c'était des lois irrévocables. C'était des lois qu'on ne pouvait pas changer. Mais ce matin, David est en train de dire ceci: l'Éternel est Dieu et mon souverain bien. Donc le bien que nous voulons parler ce matin, c'est le bien de Dieu, le bien divin, le bien qu'un homme ne peut pas falsifier. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu il est Dieu lorsqu'il fait des choses qui sont différentes avec ce que nous faisons. Si toi tu peux payer la veste pour un pasteur, Dieu doit faire le bien qui va au-delà de ça. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: Jésus-Christ allait de lieu en lieu. J'aimerais dire ceci à l'église de Dieu: l'église n'est pas statique, l'église est dynamique. C'est pourquoi la Bible dit: quand Dieu avait oint Jésus, il allait de lieu en lieu. Ce matin, Dieu nous dit ceci: on ne doit pas rester stationné en ces lieux. Et j'ai béni le surintendant, il a compris cette vision. C'est pourquoi nous ne sommes pas restés étouffés en ces lieux. On nous a éparpillés à gauche et à droite, parce que Jésus, quand il était loin, il ne devrait pas rester statique. Il ne devrait pas rester en un seul endroit. Il devrait commencer à marcher, aller de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il y avait trois catégories de gens que Dieu oignait. La première catégorie, Dieu était en train de oindre le roi. Deuxième catégorie, Dieu oignait les prophètes. Troisième catégorie, Dieu oignait les sacrificateurs. Et ce matin, vous allez comprendre ensemble avec moi que quand Jésus était oint, il devrait résumer les trois dimensions. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous poser la grande question: pourquoi est-ce que Dieu devrait oindre Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que Dieu est obligé de nous oindre? Alléluia. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 25 jusqu'à 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir de 25 jusqu'à 31. Nous voulons comprendre la raison principale pour laquelle Dieu doit nous rendre. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, la cause primordiale, la raison principale pour laquelle Dieu doit nous rendre. La Bible dit ceci: les rois se sont soulevés, les princes se sont ligués. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, sache que dans ce monde où nous sommes, dans le travail où tu es, dans la famille où tu étais né, les gens se sont déjà soulevés, les gens se sont déjà ligués. Ces gens ont déjà signé des complots pour te nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des menaces. Bien-aimé dans le Seigneur, les menaces d'avortement, les menaces de licenciement, les menaces d'être déguerpi de la maison, les menaces de mort, les menaces d'accident. C'est pourquoi ce matin, Dieu voyant cela, il a mille raisons. Il a mille raisons pour pouvoir nous rendre. Parce que le monde dans lequel nous sommes, hein, il y a des gens qui nous menacent. Il y a des gens qui se sont déjà soulevés pour nous combattre, pour nous nuire. C'est pourquoi ce matin, Dieu doit nous rendre pour paix. Pour que nous puissions résister à toutes les menaces que les diables, les mondes des ténèbres sont en train de monter pour pouvoir nous combattre, pour pouvoir nous nuire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je voyage dans les Écritures, je me suis rendu compte que durant le ministère de Jésus sur cette terre, Jésus avait ressuscité au moins 3 personnes. La première personne que Jésus avait ressuscité, c'était la fille de Jaïrus. Et Jésus était allé dans la maison de cet homme. La fille de cet homme était morte. Et Jésus l'avait ressuscité. C'était dans la maison. La deuxième personne que Jésus avait ressuscité, c'était le fils de la veuve de Naïm. Et cette fois-ci, ce n'était pas dans une maison, mais c'était en cours de route. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ était loin, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient malades, ressuscitant même les morts. Et la troisième personne que Jésus avait ressuscité, c'était Lazare. Et cette fois-ci, ce n'était pas à la maison, ce n'était pas en cours de route, mais c'était au cimetière. Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'église de Dieu? Kanisa la Mungu, l'église de Dieu, c'est très bien ce que l'Esprit de Dieu parle. Dieu, pour qui nous prêchons, il a le pouvoir de ressusciter même dans ta maison, même chez mes faisans, même là au cimetière. Donc ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard pour toi, même si on t'a déjà mis dans les cercueils, même si tout semble être mort dans ta vie, mais j'aimerais te dire ceci, Jésus-Christ, il a été loin pour aller ressusciter même les gens qui étaient déjà dans les cimetières. À titre d'exemple, Lazare. Amen. Donc ce matin, Église de Dieu, Dieu nous dit ceci, nous devons sortir de notre carquois. Nous devons sortir de nos quatre murs pour aller évangéliser, faire du bien à tous ces gens qui sont sous l'empire du diable. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit ceci, deux personnes se sont ligués. Hérode, Ponce Pilate. Vous savez qui est Hérode? Hérode, c'est celui qui avait tué Jean-Baptiste. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de dire ceci. Si tu as déjà tué Jean-Baptiste dans ta vie, aucun miracle, aucun bien de Dieu ne pourra t'arriver dans ta vie. Vous savez, lorsque Pilate devrait juger Jésus-Christ, il a essayé par tous les moyens pour pouvoir s'échapper. Mais quand on est venu lui dire que cet homme, c'est un Galiléen, donc il est de la juridiction d'Hérode, Pilate a pris Jésus, il l'a renvoyé chez Hérode. Maintenant, quand Jésus était allé chez Hérode, Hérode s'est frotté les mains, Hérode était dans la joie, Hérode s'attendait que cette fois-ci, tous les miracles que j'entends de loin, je vais les vivre en live. Maintenant, quand Jésus est arrivé devant Hérode. Hérode a posé des questions. Hérode a fait tout ce qu'il fallait pour que Jésus puisse accomplir un miracle. Jésus n'avait rien fait. Pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas accompli le miracle? Parce que Hérode avait déjà tué Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est la repentance. Et ce matin, quiconque a déjà tué Hérode, qui est la repentance dans sa vie, ne verra jamais le miracle de Dieu. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit dit ceci: nous devons arranger avec Dieu. Nous devons nous aligner sur la voie de Dieu pour pouvoir vivre le bien de Dieu, le bien souverain de Dieu. Amen. Amen. Savez, Église de Dieu, le principe de Dieu sont inchangeables, quels que soient les temps et les circonstances, quels que soient les endroits. Ce matin, nous voulons voir quelqu'un dans la Bible à qui Dieu avait fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Nous sommes dans Psaume chapitre 89. Psaume 89, à partir du verset 20 jusqu'à 23, la Bible dit ceci: j'ai choisi un jeune homme parmi les gens. Je l'ai appelé, je l'ai oint, et ce jeune homme, c'est David. La Bible dit ceci: l'ennemi ne le surprendra jamais. Ce que j'aimerais dire à l'Église de Dieu, c'est que quand Dieu vous oint du Saint-Esprit, le diable, l'ennemi, ne te surprendra jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est loin par Dieu, le diable ne peut jamais le surprendre. C'est pourquoi la Bible dit ceci: il est arrivé un jour qui avait le combat à la montagne de Gilboa. À cette montagne-là, il y avait le roi Saül qui était tombé en pleine bataille. Même son fils Jonathan, lui aussi était tombé dans la bataille. Maintenant, cet homme de Jonathan avait un enfant qui s'appelait Mephibosheth. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que son grand-père était décédé, pendant que son père Jonathan était décédé, maintenant la nourrice qui gardait Mephibosheth a pris Mephibosheth au dos. Ils ont commencé à courir et sont allés trébucher quelque part. Ils sont tombés et directement Mephibosheth est resté perclus. Il est privé de ses deux pieds. Et cet homme de Mephibosheth, on l'avait pris, on l'a amené à Lodebar, dans la maison de Makir, dans la maison de l'esclavage. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: celui qui est en train de dire l'Éternel est mon souverain bien, c'est quelqu'un qui a expérimenté cela. C'est pourquoi ce matin, j'interdis à l'église de Dieu de dire des choses, de prêcher des choses que tu n'as pas expérimentées. Celui qui dit que l'Éternel est mon souverain bien, il a fait l'expérience de ces choses. Maintenant, le temps est arrivé. Le trône d'Israël était resté vacant parce que le roi Saül était tombé au front. Maintenant, comme Dieu il est le maître des temps et des circonstances, il devrait accomplir la promesse qu'il avait faite à David. Maintenant, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. La Bible dit ceci: le jour est arrivé où le roi David devrait être oint. Maintenant, il entre dans la salle de la manifestation. Le roi David pose la question à l'auditoire. Il dit ceci: n'y a-t-il pas quelqu'un au milieu de nous qui est resté dans la maison de Jonathan, qui est resté dans la progéniture de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Jonathan. Bien-aimé dans le Seigneur, le bien de Dieu, c'est le bien que le roi David devrait accomplir pour Mephibosheth. La Bible dit ceci: ce jour-là, dans cette salle, il y avait un certain monsieur qui s'appelait Tiba. Cet homme, il met la main à l'air. Il dit ceci: oh roi, il y a quelqu'un qui est resté vivant dans la maison de Saül, le fils de Jonathan. Son nom c'est Mephibosheth. Cet homme n'est pas au milieu de nous, il est très loin. Alléluia. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je suis venu t'annoncer que le Dieu que je te prêche te fera du bien cette année, te fera du bien aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, le roi David dit: avant que la manifestation commence, j'aimerais qu'on aille me chercher Mephibosheth. J'aimerais lui faire du bien à cause de Jonathan. Et vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit ceci: l'amour qui existait entre David et Jonathan était plus que l'amour d'un homme et d'une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu te fera du bien, non pas à cause de Jonathan, mais à cause de l'alliance. L'alliance est scellée dans le bain du sang. Parce que Jonathan ainsi que David avaient scellé une alliance. Mais ce matin, le bien que Dieu te fera, ce n'est pas à cause de ton éloquence, mais non à cause de tes études faites. Ce n'est pas parce que tu es riche, mais le bien que Dieu te fera ce matin, c'est à cause de l'alliance. L'alliance qui est signée dans le bain du sang. La Bible dit ceci dans le livre de Zacharie: pour toi, à cause de l'alliance qui était scellée dans le bain du sang, je te réveille la fosse. La force dont la Bible nous parle, c'est l'image de la mort, c'est l'image de l'accident, c'est l'image du séjour des morts. C'est pourquoi ce matin, les gens qui se sont ligués, les gens qui se sont soulevés contre ton ménage, contre ton travail, contre ton ministère, ce matin, Dieu dit ceci. Il te fera du bien à cause de ton engagement, à cause de ta consécration, à cause de ta fidélité. Alléluia. Ce matin, quiconque s'est déjà engagé dans l'œuvre de Dieu pour cette église, pour la mission, le salut des âmes, Dieu est prêt. Dieu, il est prêt pour te faire du bien. Le roi David appela Tiba. Il dit ceci. Va chercher Mephibosheth. Avant que la manifestation commence, il fallait que Mephibosheth soit ici. Bien aimé dans le Seigneur, il est facile. Il est aisable d'aller chercher quelqu'un très loin qui marche. Mais ce jour-là, c'était malheureux. Il fallait aller chercher quelqu'un à des milliers de kilomètres, à l'Odebar, dans la maison de Makir, c'est là où Mephibosheth était resté, c'est là où il était isolé, c'est là où il était oublié. Et ce matin, je suis venu prophétiser quelqu'un qu'on a déjà oublié dans la famille, dans n'importe quelle affaire, mais ce matin, Dieu ira te chercher. Tu n'es pas encore oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas d'espoir. Ne te décourage pas. Le Dieu dont je te prêche, il est le maître des temps et des circonstances. Au moment opportun, on ira te chercher. On ira chercher ton dossier. On ira chercher ton élévation. On te prendra pour t'amener à Jérusalem. La Bible dit ceci, Tiba est parti. Et ce matin, Tiba, c'est l'image du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Et Tiba est parti. Image du Saint-Esprit. Et Tiba est allé prendre Mephibosheth. Écoutez les paradoxes de la situation. Pendant que les rois étaient entrés à Jérusalem, parce que quand David devrait prendre Jérusalem, il y avait les autochtones, les originaires de Jérusalem, bien-aimés dans le Seigneur, qui s'appelaient les Jébusiens. Ces gens ont résisté à l'entrée de David. Ils ont dit que David, tu n'entreras pas. Écoutez, peuple de Dieu, David n'était pas n'importe qui. Et quand je lis la parole de Dieu, la Bible dit ceci, les gens que David était allé recruter, c'était des vauriens. Abishai. Joab, ce sont ces gens qui étaient à la ceinture royale de David. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les Jébusiens ont résisté à David d'entrer à Jérusalem, Joab s'est levé, Abishai s'est levé, ils ont livré bataille et ils ont vaincu les Jébusiens et ils sont entrés à Jérusalem. Maintenant, comme David avait pris Jérusalem avec bataille, il prend maintenant une pancarte. Il écrit au-dessus de la pancarte de mon vivant à Jérusalem. Moi, le roi David, aucun boiteux, aucun paralytique n'entrera ici à Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était une loi que le roi David avait érigé à Jérusalem. Mais ce matin, je suis venu te dire que l'alliance est au supérieur de la loi. La Bible dit ceci: quand Tiba est parti, quand le Saint-Esprit est parti, on a pris Mephibosheth. Et Tiba était en train de rentrer vers Mephibosheth. Il est arrivé à la barrière de Jérusalem. C'était mentionné: aucun boiteux, aucun paralytique n'entrera à Jérusalem. Mais ce matin, je suis venu te dire que l'Éternel est Dieu et mon souverain bien. Donc le bien de Dieu, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas le véhicule. Le bien de Dieu, c'est le transfert. Donc Mephibosheth devrait quitter Lodebar pour aller entrer à Jérusalem. Donc ce matin, le bien de Dieu, c'est le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, ce matin, le Saint-Esprit, Dieu, veut te faire du bien. Dieu veut te transporter. Et le véritable transporteur, c'est le Saint-Esprit. Même si tu as Kabeyaka Mwanga, même si tu as Kilela Balanda, même si tu es caché quelque part, mais ce matin, le Saint-Esprit va te transporter pour t'amener à Jérusalem, pour te faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi, quand j'ai lu la Bible, dit ceci: ce jour-là, Pierre et Jean était en train d'aller au temple. C'était à la 9e heure. C'était à l'heure de la prière. Ils sont arrivés à l'entrée de la porte du temple. Ils ont trouvé un autre Mephibosheth. Ils ont trouvé un boiteux, un mendiant. La Bible dit ceci: cet homme les a demandé de l'argent. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la réponse de Pierre et Jean. Ils ont dit ceci: nous n'avons pas d'argent à te donner, mais nous voulons te faire du bien ce matin. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le bien que Jean et Pierre avaient accompli pour les boiteux, c'est le même bien que David avait accompli pour Mephibosheth. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse 32. Genèse chapitre 32. Nous allons lire le verset 9 et le verset 12. Nous lisons Genèse chapitre 32. Le verset 9, nous sautons et nous allons lire le verset 12. Jacob est dit: Jacobo akasema, Dieu de mon père Abraham, et Mungu wa baba yangu Ibrahimu, Éternel, na Mungu, qui m'a dit, Bwana alisema, retourne dans ton pays, rudi kwa inchi yako, et dans ton lieu de naissance, na kwa jama yako, je te ferai du bien. Na nitakutendea. Soulignez les biens dont on parle là-bas. Le verset 12: et toi, Nawe, tu as dit, unasema, je te ferai du bien mema, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Wako kuwa kama ya bahari, si abondant qu'on ne saurait les compter. Na hata haita hesabiwa kamwe. Nous voulons chuter avec l'histoire de Jacob. Tunapenda kumaliza na mambo ya Yakobo. Bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, cet homme de Jacob, huyu mutu Yakobo, était chez son oncle Laban. Alikuwa kwa mjomba yake Labani. Jacob avait fait au moins 20 ans Yakobo alifanya kule miaka 20 chez son oncle Laban. Kwa mjomba yake Labani. Bien-aimé dans le Seigneur, à la 21e année, cet homme de Jacob, l'éternel Dieu, voulait lui faire du bien. Écoutez, Église de Dieu, Jacob, pendant ce temps, il était béni. Ici, je parle du matériel. Parce qu'il dit ceci à son oncle. Tu as changé mon salaire. Maintenant le temps est arrivé. Je voudrais prendre mes troupeaux. Prendre mes femmes et mes enfants. Et pouvoir retourner chez nous. Ce que nous devons savoir, c'est ceci. Ici, ce n'est pas chez nous. Uku haina kwetu. Toi et moi, wewe pamoja na mimi. Ce matin, asubuhi ya leo, le Saint-Esprit dit, nous voulons maintenant rentrer chez nous. Nataka turudie kwetu. Bien-aimé, wapendwa, touti na éternité, tokozonga na éternité. Unatoka ku milele, tarudia paka kule ku milele. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ndio maana Biblia inasema. Cet homme de Jacob, huyu Yakobo, devrait maintenant rentrer chez eux. Upasa sarudie kwa. Il devrait retourner dans sa patrie. Upasa arudie katika nchi. Maintenant Dieu dit ceci. Sasa Mungu anasema hivi. J'aimerais te faire du bien. Napenda kutendea mema. Donc pour dire que, kwa kusema tena hivi, la richesse qu'avait Jacob, ce n'était pas le bien que Dieu devait lui faire. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Jacob est en train de dire, je suis trop petit pour tout le bien que tu aimerais me faire, Seigneur. Ce matin, Dieu va faire du bien à quelqu'un et Dieu ne tiendra pas compte de ton âge. Dieu ne tiendra pas compte de ton statut. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit dit ceci, l'Éternel Dieu aimerait te faire du bien. Et le bien de Dieu, c'est la guérison. C'est la restauration. C'est la résurrection. C'est pourquoi ce matin, Dieu dit ceci, il aimerait te faire du bien à cause de ta consécration, de ta fidélité. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, Miché, chapitre 4, verset 6 jusqu'à 7. La Bible dit ceci, en ces temps-là, en ces jours-là, l'Éternel Dieu nous accueillera à la montagne de Sion, à la montagne de Jérusalem. Dieu accueillera qui? Accueillera tous les boiteux, les fibochettes, les paralytiques qui étaient à la belle porte. C'est pourquoi ce matin, peut-être ton mariage est en train de boiter, peut-être ton travail est en train de titiber, mais ce matin le Saint-Esprit dit ceci, en ces jours-là, et ces jours c'est aujourd'hui, l'Éternel Dieu, il est présent à Jérusalem pour accueillir, pour recevoir mes fibochettes, les paralytiques de la belle porte, pour te recevoir toi aussi, afin qu'il te fasse du bien. Même à cause Kwa-jili. De l'alliance. Yagano. C'est pourquoi ce matin, peuple de Dieu, l'éternel est Dieu, Mungu. Veut nous faire du bien. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous rajeunir. Parce qu'il aimerait nous faire du bien. L'éternel est Dieu est mon souverain bien. Donc, le bien que Dieu te fera ce matin, personne de ce monde ne peut le falsifier. C'est pourquoi ce matin, Dieu, il est présent, il est prêt pour nous faire du bien. C'est pourquoi, Église de Dieu, nous allons nous tenir debout. Toute l'Église, nous allons nous tenir debout. Parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu te fait du bien. Le bien souverain. Dieu va te oindre ce matin. Et Dieu va te faire du bien ce matin. La Bible dit ceci. Quand les apôtres ont dit ceci à Dieu, voient leur menace. La Bible dit ceci. En étendant ta main. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier Dieu. Nous allons dire ceci à Dieu. Seigneur, étends ta main pour qu'il s'efface des miracles, des prodiges au nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner un petit témoignage. Depuis que nous étions affectés à Mivuka, j'ai rencontré une dame avec qui nous prions. Ça fait au moins 7 ans que nous sommes à Mivuka. Depuis 7 ans, cette dame était stérile. Et dernièrement, à Kambov, il y avait une maman qu'on a amenée à l'hôpital parce qu'elle souffrait de la stérilité. Bien-aimé, on a opéré cette maman de Kambov. On a fait sortir des myomes, des kilos de myomes. Vous savez, quand vous posez la question à, aux plupart de femmes qui souffrent de la stérilité, elles vous diront, j'ai fait des examens et des examens, écho sur écho, rien comme problème. Mais j'avais rencontré une autre dame qui souffrait également de la stérilité. Et quand on avait prié pour elle, un homme de Dieu dira ceci. Il y a une main noire qui est sur ta fécondité. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier comme les apôtres. Nous allons dire à Dieu que Dieu étende sa main. Et la dame avec laquelle nous prions à Toyota, pendant que je vous prêche, elle a conçu, elle a mis au monde un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous allons engager Dieu dans le combat. Parce que ce matin, Dieu aimerait te faire du bien. Dieu aimerait te guérir. Dieu aimerait te sauver. Nous allons prier comme les apôtres. Nous allons dire ceci. Seigneur, étends ta main pour qu'il s'efface des miracles, des prodiges, des guérisons, des résurrections. direction au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous plonger dans la prière. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Mukono ya mijiza kusudi jamadaruwe asuiza lote na ba mijiza lako mema yako iyonekane katikati yetu katika jina la Yesu katika jina la Yesu je prie ce matin éternel notre Dieu qui est un transfert accomplis le bien pour mon frère accomplis le bien pour ma sœur ce matin Katika jina la Yesu, Baba katika jina la Yesu, yuko na kuja mbele ya uso wako, nyosha mkono yako, mkono ya uwezo, mkono ya ushindi, mkono ya mamlaka, Baba tende, asubuhi za leo, katikati yetu, katika jina la Yesu, Baba katika jina la Yesu, oh merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, la Bible déclare ceci, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Ce sont nos péchés qui mettent une barrière. C'est pourquoi ce matin, éternel notre Dieu, nous croyons dans nous, nous croyons dans nous combats. Nous sommes comme Yakom, nous sommes comme Ouezom, nous sommes comme Ouchende, il est Mijiza, Maïchara, Iyonekane, Yulia Kanisa Lakom, Danya Maïsaeto, Katika Jinala Yesom, Katika Jinala Yesom. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Bien-aimé, la Bible dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. C'est pourquoi je vous ai parlé d'Hérode. Par contre, ce sont nos péchés qui mettent une barrière. C'est pourquoi ce matin, s'il faut arranger, arrange avec Dieu. S'il faut te repentir, repens-toi devant le Seigneur. Parce qu'il a déjà étendu sa main, la main puissante de Dieu, pour nous faire du bien ce matin. C'est pourquoi chacun de nous va prier pour sa vie, va prier pour sa maison. Demande à Dieu ce matin qu'il te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Nous allons entrer dans la prière. Demande le bien de Dieu. Que Dieu te fasse du bien dans tes études, dans ta profession et dans ton ministère. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Baba katika jina la Yesu. Tunakushukuru na tunakubariki kwa ufalme na ukombozi wetu. Baba tunashukuru tena jina lako la uwezo. Baba tunasema tena Bwana Santa subiza leo. Asante kwa ajili ya neema na mapendo yako. Asante kwa sababu kwa Mungu. Mungu mwenye ubadilike kamwe. Le Dieu tout puissant, le maître de temps et des circonstances. Souviens-toi de ma famille, oh Dieu. Souviens-toi de mon ministère éternel, notre Père. Ma prière levée de mon cœur. J'aimerais que nous puissions aller de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Katika Jina la Yesu, Katika Jina la Yesu, éternel Dieu des armées, nous voulons entrer en danse, nous voulons marcher, nous voulons nous déplacer, nous voulons aller de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant éternel notre Père, tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, au nom de Jésus-Christ. Katika Jina la Yesu, ô Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta grâce. Nous bénissons le travail du Saint-Esprit que tu es en train d'opérer ce matin, ces lieux, au nom puissant de Jésus, Kapika Jina la Yesu. Bien-aimé, notre dernière intention de prière. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire ceci à Dieu. Seigneur, nous voulons aller de lieu en lieu pour aller faire du bien aux gens. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander la force. Parce que quand Dieu avait oint Jésus, il lui a encore revêtu de la force pour aller faire du bien aux gens. C'est pourquoi nous allons entrer dans la prière. Nous allons dire ceci à Dieu. Seigneur, donne-moi la force d'aller en mission pour aller évangéliser, pour aller faire du bien aux gens qui sont dans l'empire du diable. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakujambia usiwe kote na Bwana subizali. Nous bénissons ton éternel, notre Père. Nous te disons sincèrement merci ce matin, mon Dieu, mon roi. Baba, tunakujambia usiwe kote. Nikule tunenda komba Mungu mzima na Mungu mnene. Baba utuvike na uwezo wako, utuvike na nguvu yako, ili Mungu mzima na Mungu mnene. Baba tupate kwenda kupasha habari njema lako, twende tukubiri neno lako, tukatende mema, hata kubale bote wanakuwa chini ya utawala wa shetani, katika jina la Yesu, au puissant de Jésus. Père, merci, merci pour ton amour éternel à notre Père. Seigneur Père éternel des cieux, Seigneur Jésus-Christ. Avant que nous puissions passer aux offrandes, dans deux minutes seulement, quelqu'un va prier, va déclarer sur sa vie. Si vous êtes malade, vous allez déclarer sur la maladie. La maison de l'Éternel, c'est une maison de solutions et une maison de témoignages. Si vous rencontrez des blocages, vous allez déclarer ce matin. Ce qui est vrai, je crois à un miracle qui va se passer dans la vie d'une personne ici ce matin. Quelqu'un prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, ta maison, c'est une maison de prière. Et dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de gens qui vont traverser des moments compliqués. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, les malades sont venus. Père éternel, Dieu tout-puissant, permets-les à ce qu'ils puissent être guéris. Ce matin, oh Dieu, nous croyons à la guérison. Nous croyons à un miracle. Nous croyons au changement des identités ce matin. Voilà pourquoi, oh Dieu, ce matin, oh Dieu, la foi nous pousse à le dire ainsi, que nous sommes guéris, que nous sommes transformés. Nous sommes délivrés. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur de la gloire, Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, les malades sont guéris en ton nom, oh Dieu. Les stériles enfantent en ton nom, oh Dieu. Les gens sont délivrés en ton nom, oh Dieu. Voilà pourquoi ce matin, à cause de ton nom, que tes bienfaits entrent dans nos vies, à cause de ton nom. Que tes bienfaits entrent dans nos familles à cause de ton nom. Que tes bienfaits, Père éternel Dieu, touche nos vies. En nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je vois une personne que l'Éternel a fait du bien. Et cette personne se distingue par sa façon d'acclamer ce matin. Oui, par ta façon d'acclamer ce matin, on saura que l'Éternel a fait du bien dans ta vie. Alors nous voulons passer rapidement aux offrandes. Les services des protocoles vont nous aider. Et ensemble avec la Cora, nous allons passer aux offrandes. Seigneur. Jésus, tu es le roi. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais les promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses. Se réalise, tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes de richesses dans mes mains, et contre moi, les diables se levent en vain. L'héritage que tu les consens, c'est le pain de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs, entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon sang de ma détresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais les promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Alléluia. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Nous prions pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons et rendons gloire, honneur, puissance, majesté ce matin. Nous prions pour ces offrandes. Souviens-toi de toute main qui a eu à préparer l'offrande ce matin. Que tes bienfaits soient toujours dans sa vie, dans sa famille, en nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors nous voulons passer au communiqué et nous invitons l'ancien Polydor pendant qu'il avance. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Tunaweza kupokelea bakeni bale baliweza kuya katikati yetu. Kama uko mkeni ulikuya kututembelea kunyumba ya Mungu, ni nyumba yetu, ni nyumba yako, ni nyumba ya Mungu wetu. Unaweza kushimama yulu, kanisa ya Mungu ipate kuweza kukupokelea mujina la Yesu. Kama uko visitor, unaweza kushimama. Apparemment, les watouins et les visiteurs, tu n'es pas acclamé, je vais Mungu et tout. Mungu à Saint-Pessane. Communiqué, tu n'as qu'un aïe du lundi jusque pas qu'à vendredi, tu as prié le matinal. Tu as une période de vacances qui a une fin de Congou, vous pouvez prier le matinal. Vous pouvez vous dire que Mungu a orienté Kadibu, il y a vacances, il y a comme Jima. Prière matinale, il y a 6 heures. Il est chez 7 heures. Lundi, tout qu'on a ma rencontre hier tout ma secteur, balébeko côté à quartier mission 1, ni quoi maman fifi sur Changalele, quartier mission 2 ni Kushituru quoi papa Jules Nyembo, centre ville, pas moi na quartier Zout ni quoi papa Olivier. SNCC, na USS, ni apapamisa. Chiku yote, ya lendi, tukumbuke kwenda kuma sektor, pour que tujuane muzuri, na tupate kuweza kutembeleana, kufatana na mandiko, na predikasyo ya subu ya leo. Mercredi, tunakuwa na kulti yetu ya enseignement, pamoya na prière, yenyewe itanza, na 16h30, tujifere violence, jua kuweza kufika kumukusaniko. Vendredi, tunakuwa na kultu ya jeune prière. Ile tunaita vendredi chini, unaweza kuya subuhi kama ukonata, 13h kama tena bina kufuraisha, na mangaribi tena, unaweza kufika juu tupate kuweza kumaliza pamoya. Hii vendredi tuko na malombi, jua kuweza kuprepare kultu ya dimanche, yenyewe tutakuwa na culte ya bonne nouvelle na Sainte-Seine. Amen. Njo kwa maana tunapenda kuiprepare mu vendredi. Vendredi tu Mungu akusaidie eko atoko malari, funga tu chakula usitakufa ile siku moja. Unakuna tu mai kiloko. Estobena reklame ka kintu, unaweka mu ka kintu kaloko, hapana ku exagerer. Ukuye tu tuombe juu Mungu atusaidie. Amen. Munashikia na muna ile, maubiri inapita. Ba prince, barisha shimama, gauche, droite, jua kuweza kukukombanisha me. Mungu atakusaidia kungambo ya malombi. Kuya vendredi, tupate kuweza kuomba, Mungu atusaidie. Dimanche, tunakuwa na kulti yetu ya bonne nouvelle, na Sainte-Seine. Avant kulti, tunakuya na intercession. Ba serviteur bote na ba servante, tujifere violence ya kuweza kuya obeisa kumwito mchungaji aliweza kusema. Amen. Action de grâce. Papa Pamphile anamshukuru Mungu sababu ya gerizo ilioneza kuonekana munyumba mule. Mama Charlotte alikuwa mgonjwa na Mungu aliweza kumutunza. Tunaweza kupiga mikono juu tukufu ya Mungu. Mama Beya Lukusanaye anashukuru Mungu sababu Bwana alikuwa mgonjwa na Mungu alinyosha mkono gerizwe naonekana mu nyumba yabo. Ndio kwa maana anashukuru Mungu. Mungu akubariki mama. Tangazo lingine tunakuya nayo. Kuko makado yenyewe ile itapitikana kungambo ya Ekodim. Na ile kado wanasema ni 18,000 francs ama 6 dollars. Inafai kupatia kama we parents kuna besoin batoto yako bapate le makado. Umuone mama Claudine au nduku David mwenyeo mutaweza kubapatia ile makuta. Bani tuonesha kusema ya kama banduku bali beko na prepare likasi tador. Mwendele na kujiprepare puisque wakati mchungaji atafika, mupate kuweza kufinalize ile preparation. Mama Christelle, bibi wa nduku Kaimbe, aliweza kuzala mtoto mwanaume. Amene. Tunaweza kupiga kwa mikono juu tukufu ya Mungu. frère Fernand na yeye frère Fernand na mfamia yule choriste munene munene bibi yake na ya rizala amen eh? Ok njoo matangazo tuko nayo tunapenda kushimamia yulu tupate kuweza kubariki Mungu Unitembeze Bwana wangu katika njia ya kwenda mbingu unipatishe vile ungu niende mbele nawe niende mbele niende mbele nawe Yesu wangu katika neno lake Mungu uniweze ishe kila siku Bwana niende mbele nawe Yesu niende mbele niende mbele nawe Yesu wangu katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku Bwana niende mbele nawe Yesu basi mubariki Mungu na wache semeni yote mu mikono ya Mungu Mungu apate kuweza kukutangulia tuombe mu jina la Yesu Bwana tunakubariki sana tunasema asante sababu tulikuja mbele ya Tunaacha Mungu wetu juma tunaweza kwanza katika mikono yako baki ya kuweza kututangulia na utuwezeshe utushindie katika vyote Bwana mkono yako Mungu iwe pamoja nasi na malaika ya mbingu wapate kuweza kutuchunga na neema yako Bwana itufinike Asante Bwana kwa culte ya leo asante kwa message uliweza kutupatia asante kwa participation asante kwa nyimbo asante kwa yote Bwana uwezo wako onekane mu maisha yetu mu jina la Yesu que l'amour de Dieu le Père la grâce du Fils qui est notre Seigneur Jésus-Christ ainsi que la communion du Saint-Esprit accompagne tout un chacun de nous Tout au long de cette semaine, nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.